L'inconnu de Pérol, CD numéro 5. Vous avez une petite mine, dit-il gentiment. Allez vite vous mettre au chaud. Sa sollicitude attrista Marianne au lieu de la réconforter, et elle se contenta de hocher la tête, la gorge serrée. « Et faites une bise à Sam de ma part. Je crois qu'on se voit tous le 24 chez Pascal Fontanelle. » Il affichait un sourire réjoui, qui fut insupportable à Marianne. Sans réfléchir, elle répliqua d'une traite. « Ce sera sans moi. Pascal passe son temps à appeler Sam au secours. Elle n'hésite pas à le tirer du lit en pleine nuit. C'est l'ex la plus encombrante de la création. Moi, j'en ai soupé. Ils n'ont qu'à se remarier, ce serait plus simple. Mais je ne passerai pas Noël avec eux. Désolée. » Laurent la regardait médusée et elle regretta son éclat. Bredouillant une excuse, elle s'éloigna à grandes enjambées maladroites.